Oui, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes finalement arrivés au chapitre 16 de l'Épître aux Romains que nous allons voir ensemble ce matin. Notre bon Père du ciel, merci, merci que tu nous as conduits jusqu'à ce moment du dernier chapitre. Tu nous as gardés. Avec toi, pour toi, pour ton œuvre, pour qu'on puisse te connaître. Parce que le péché de l'être humain, tu nous as dit au chapitre 1, il ne se s'est pas soucié de te connaître. Mais tes enfants se soucient de te connaître, parce que c'est ton désir de te révéler. Donc, conduis-nous encore ce matin. Amen. Donc, nous sommes rendus au chapitre 16. Et ça va être les salutations. Salutations un peu spéciales, parce que l'apôtre Paul va nommer des dizaines et des dizaines de personnes. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi va-t-il à ce point-là? Je crois que, pour moi, ce qu'il dit ici, dans le chapitre 16, manifeste d'une façon très pratique ce qu'il nous a enseigné au chapitre 12, 13, 14 et 15. Qu'il y a un corps, qui sont tous unis, qui travaillent ensemble pour la gloire de Dieu, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient riches, qu'ils soient dignitaires, qu'ils soient esclaves, tout le monde travaille ensemble. Donc, vous allez remarquer dans ces versets que nous allons lire, ce phénomène qui est nouveau dans le temple seulement des hommes au service de Dieu. Ici, hommes et femmes. Dans les synagogues, c'était majoritairement hommes, je dirais même exclusivement hommes. Mais ici, les hommes et les femmes sont impliqués aussi. Dans les synagogues, seulement des juifs. Maintenant, il y a des juifs, des grecs, des romains, des païens, de toutes les langues, de tous les peuples. Donc, on va voir qu'il y a toutes sortes d'implications, toutes sortes de dons mis à l'œuvre. On ne va pas prendre le temps de faire une étude sur les dons ici, mais on va juste regarder ce texte qui nous met devant nous, je dirais comme un essaim d'abeilles, tout le monde est en fonction, tout le monde travaille, tout le monde est impliqué, tout le monde fait l'œuvre de Dieu. Et Paul s'en réjouit. Nous allons lire du verset 1 à 16 et 22 à 24. Épître de Paul aux Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phobée, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Phaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez à Saint-Crite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue, et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Zosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue, Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Il commence en disant « Je vous recommande Phobée ». Je vous recommande, c'est-à-dire qu'il y a une lettre de recommandation probablement qui venait avec, parce qu'ils ne connaissent pas, mais il dit « C'est moi qui l'ai envoyée. Elle vient de ma part. » Notre sœur, donc c'est une sœur, c'est dans la foi. Il dit « Accueillez ceux qui sont dans la foi, hein, accueillez-les. » Il dit « Elle est diaconesse de l'église de Sancré. » Donc, elle est une servante de l'église du Seigneur dans la ville de Sancré. Il dit « Recevez-les en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Recevez-les comme des saints qui reçoivent un autre saint. Comme des croyants qui reçoivent un autre croyante. » Il dit « Parce qu'elle aussi, elle n'a reçu beaucoup. Elle aussi, elle a aidé beaucoup à la fin du verset 2. Et elle m'a aidé moi-même. » Donc, recevez-la, cette femme-là, qui est une serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et recevez-la d'une façon digne pour voir ses besoins pendant qu'elle est là. Comme si c'était moi-même, parce que c'est moi qui l'a envoyée. Il dit ensuite au verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, parce que là, on les connaît dans les Actes des Apôtres, ceux-là. Ils sont mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Mais, hommes, femmes, compagnons d'œuvre de Paul, dans le corps de Christ. Ils ont exposé leur tête pour me sauver la vie. Et toutes les églises rendent grâce à Dieu pour eux autres qui ont exposé leur vie pour sauver la vie de Paul, parce que sans cela, ils n'auraient pas entendu l'Évangile, ils n'auraient pas posé des fondements doctrinaux auprès d'eux. Donc, ils sont contents ils rendent grâce de ce qu'ils ont fait pour sauver la vie de Paul. Ensuite, il dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, la maison d'Aquilas et de Priscille. » Les églises, à ce moment-là, étaient grand majoritairement, comme on le voit dans le texte, des petites églises de maison. Et on se réunissait là, faut pas oublier qu'on est dans une période de tribulation, de persécution, de rejet de la part de la société, de la part de l'Empire romain. Donc, on se réunit dans les maisons pour servir le Seigneur. Saluez Épaynette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc, Marie, elle s'est donné beaucoup afin que l'Église de Rome soit fonctionnel et marche. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Donc, c'est des deux hommes qui ont été en prison avec lui pour les mêmes raisons que lui. Ils se sont encouragés mutuellement, se sont fortifiés mutuellement dans cette captivité-là. Et ces deux hommes-là sont très estimés parmi les apôtres. Et ils sont plus vieux que moi dans la foi. Donc, Paul voit en ces deux hommes-là qui l'ont probablement aidé à passer au travers cette difficulté-là, ce temps de prison-là, et ils se sont partagés leur foi commune. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, mon compagnon d'œuvre, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphès et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc, saluez Rufus, saluez l'élu du Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne, dans le sens qu'elle a joué un rôle de mère auprès de Paul. Saluez Insécrite, Flégeon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur et Olympe, tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Voyez-vous ici, on a tout ce groupe, ce, de personnes, d'hommes, de femmes, de juifs, de païens, de grecs, de romains, qui se réunissent ensemble, qui travaillent ensemble, qui sont compagnons d'œuvre. Qui sont compagnons d'œuvre. Les compagnons d'œuvre, c'est pas juste des hommes à plein temps. C'est tout le monde est à l'œuvre. Tous les parties du corps sont à l'œuvre. J'ai déjà mentionné. Je ne crois pas qu'il y a des parties du corps qui ne fonctionnent pas. Je crois pas qu'il y a des parties du corps qui sont là et qui sont, eux autres, ils sont plus reliés à la tête. Non. L'Église de Christ, c'est toutes des membres unis à la tête par le Saint-Esprit. Ils reçoivent la vie directe de Dieu, de Jésus-Christ. Ils sont contrôlés par la tête, stimulés par l'Esprit, poussés avec la puissance de l'Esprit. Ils fonctionnent, le corps fonctionne. Il faut bien comprendre ça, frère et soeur. Tout le monde est à l'œuvre. Des chrétiens qui ne fonctionnent pas, ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, Paul ne mentionne pas vraiment ce qu'ils font. Je crois que c'est exprès. Ils sont tous des gens à l'œuvre et ça n'a pas d'importance ce que tu fais. L'important, c'est que tu es dans le corps et tu es utilisé par la tête, par l'Esprit Saint, tu es utilisé par Christ, par Dieu, pour amener un peuple qui va être un sacrifice agréable, comme on a vu. Qui va offrir à Dieu de la louange, de l'adoration, des cantiques, un service à Dieu notre Père. Vous savez, mes frères et sœurs, tout ce qui se fait dans l'Église, ça se fait pour le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne juge pas, ne condamne pas, accueille, reçois, supporte. Parce que tous ceux qui sont là, dit-il, sont ils sont à l'œuvre pour Dieu, ils le font pour le Seigneur, ils rendent grâce au Seigneur, qu'ils soient debout ou qu'ils tombent, c'est pas tes affaires. Ils sont en train de servir Dieu et Dieu a le pouvoir de les garder debout, Dieu a le pouvoir de les affermir. Ils sont ensemble et ils servent le Seigneur. Il faut pas comparer ce que nous faisons. Mais il faut comprendre que tout le monde est à l'œuvre par la grâce de Dieu au service de Dieu dans son temple spirituel. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé, après avoir écouté mes vidéos sur la repentance, il m'a écrit et il m'a demandé, je ne connais pas cet homme-là, j'ai juste par Facebook, je le connais. Il dit, comment est-ce que je peux servir le Seigneur maintenant que je me suis repenti? Et je lui ai répondu, que veux-tu faire? Pour celui qui n'a besoin de rien. Il n'y a pas besoin de ton argent, il n'y a pas besoin de bouffe, il n'y a pas besoin de linge, il n'y a pas besoin d'auto, pas besoin de maison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui à qui tout appartient? Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui contrôle toute chose, qui utilise toute chose, que toute chose est à lui déjà? J'ai dit, ce que tu peux faire, c'est adorer et louer le Seigneur. Là où ce que tu es. Avec les autres frères et sœurs qui t'entourent. Rends-lui un culte de louange devant ta femme, devant tes enfants, devant tes voisins, devant les amis, au travail. T'es là pour louer et servir le Seigneur. Il nous a dit au verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Je crois que c'était la coutume à ce moment-là de faire la collade. Mais le saint baiser, c'est la façon de démontrer que je t'accepte, que je te reçois, que tu fais partie du corps de Christ comme moi, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois juif, que tu sois païen, que tu sois grec, que tu sois romain. Saluez-vous les uns les autres. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez esclave, que vous soyez des dignitaires. Il dit, recevez-vous. Faites pas exception de personne. Il va nous encourager demain à ne pas saluer d'un saint baiser certaines personnes. Mais il dit, tous ceux qui travaillent avec Christ, qui sont compagnons d'œuvre avec vous, saluez-vous d'un saint baiser. Pourquoi j'ai mis le verset 22 jusqu'au verset 24? C'est pas tout le monde qui est d'accord est-ce que ces versets-là font partie intégrale de la lettre de Paul. Je le laisse là. Je le lis parce que c'est encore des salutations. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui a écrit cette lettre. Gaius, mon autre, qui est celui de toute l'Église. Parce que Gaius avait une église dans sa maison. Vous salue aussi. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Voyez-vous, il y a toutes sortes de monde dans l'Église. Des gens très riches, très pauvres, très éduqués, moins éduqués, hommes, femmes, jeunes, vieux. Tout ça ensemble est là pour Dieu. Il faut comprendre, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là les uns pour les autres. On travaille ensemble. On se stimule, on s'encourage. Mais devenons pas maintenant des croyants qui vont être centrés sur les hommes. Tous les ministères que nous faisons n'ont pas comme but les personnes. Ils ont comme but Dieu. Je vais faire de quoi pour des gens, mais le but, c'est Dieu. Il y a tellement d'églises à travers l'histoire qui ont perdu ça de vue, ont commencé à faire des œuvres sociales, et maintenant, ils sont juste des groupes sociaux. Ils prêchent plus l'Évangile. Vraiment. Ils sont plus là pour la gloire de Dieu. Ils sont là pour les gens. Ils sont là pour faire du bien autour d'eux. Si je fais du bien à quelqu'un, il faut que ce soit pour le Seigneur. Il faut qu'il sache que je le fais pour le Seigneur. Parce que s'il pense que je le fais pour lui, parce que lui est important, c'est pas la réalité. Je veux en faire un serviteur, une servante du Seigneur. C'est ça mon but ultime. Je veux l'offrir, comme Paul il dit, à Dieu comme un sacrifice agréable. Je veux qu'il devienne finalement un serviteur, une servante de Dieu. Je suis pas en train de lui dire, Dieu prend soin de toi, Dieu est là pour toi, puis Dieu va te pourvoir à tes besoins, puis c'est toi, Dieu est là, il va prendre... C'est pas Dieu qui est là pour lui. Je veux prendre soin de toi parce que je veux t'amener à être là pour Dieu. Ça doit être clair à quelque part. Ça, les services qu'on fait parmi les non-croyants. Si on veut offrir à Dieu des sacrifices agréables. Donc, Paul il dit, saluez-vous d'un saint baiser, les uns les autres. Quand je suis pas capable de saluer d'un saint baiser, les frères et les sœurs, dans la foi, on est conscient qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je suis pas en train de dire, c'est obligatoire que je donne l'accolade. Mais, je crois que la réalité doit être là. Je dois considérer tous les autres qui sont avec moi comme étant des enfants de Dieu, égaux à moi, compagnons d'œuvre avec moi, qu'ils ont besoin de moi et que j'ai besoin de eux. Il y a une harmonie qui fonctionne là entre les enfants de Dieu. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, je dis pas qu'il n'y a pas de péché, je dis pas qu'il n'y a pas de demandes de pardon et des pardons qui sont accordés. Oui, on le voit ça dans les Écritures. Mais nous sommes un corps qui est dirigé par Dieu, pour la gloire de Dieu. Saluez-vous d'un saint baiser les uns les autres. Notre bon Père du ciel, toi, tu nous as reçus. Toi, tu as fait de nous un membre du corps. Tu nous as attachés à la tête. Tu nous as unis au Christ, qui est notre tête et notre chef. Et tu nous as unis les uns aux autres par ton Esprit Saint. Et nous fonctionnons ensemble pour toi. C'est ton but, c'est ton plan d'emmener les hommes et les femmes de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les langues à faire un tout et de servir Dieu. ce Dieu qui est assis sur son trône dans les cieux. Aide-nous à ne jamais perdre de vue que nous sommes là pour lui, pour toi, Seigneur Jésus, pour toi, notre Père céleste. Amen.